L'ignorance. L'ignorance empêche le musulman de sortir de l'islam lorsqu'il va à l'encontre d'un enseignement du messager d'Allah qu'il n'a pas encore appris, à condition qu'il ait foi qu'Allah est unique et qu'il ne lui donne aucun associé. Par contre, s'il lui donne un associé, alors aucune excuse ne l'empêche de sortir de l'islam. Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Quant aux musulmans monothéistes qui cherchent à se protéger de la colère d'Allah et désirent le satisfaire, ignorent les enseignements du prophète, cette ignorance ne le fait pas sortir de l'islam. Allah a dit, il ne sied pas Allah d'égarer un peuple après les avoir guidés, tant qu'il ne leur a pas montré ce qui les préserve de sa colère. Et il dit, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé. Il est alors pardonneur et miséricordieux. Ibn Hazm dit, il n'existe aucune divergence quant au fait que si un homme se convertit à l'islam et ne connaît pas les lois de l'islam, et par conséquent croit que l'alcool est licite et que l'homme n'est pas tenu de prier, et que le jugement d'Allah ne lui est pas parvenu sur ces choses-là, il n'est pas mécréant. Il n'y a aucune divergence prise en compte à ce sujet jusqu'à ce que la preuve soit présentée et qu'il persiste. Dès lors, et à l'unanimité de la communauté, il est mécréant. Ibn Taymiyyah a dit, il n'est pas obligatoire de juger mécréant tout individu tenant de tels propos, tant que ne sont pas confirmées pour son cas précis les conditions de sortir de l'islam et l'extinction des empêchements. Par exemple, celui qui dit que l'alcool et l'usure sont licites à cause qu'il vient de se convertir à l'islam, ou qu'il a grandi dans un désert lointain. Ou par exemple, celui qui entend une parole et la rejette. Ne croyons pas qu'elle provient du Coran ou des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains salafs contestaient certaines choses tant qu'il ne leur était pas confirmé qu'elles furent enseignées par le messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui. C'est comme certains compagnons qui doutèrent de certaines choses, comme le fait de voir Allah le jour du jugement, jusqu'à ce qu'il y ait confirmation de cela de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, comme l'homme qui avait dit, lorsque je mourrai, brûlez-moi et jetez mes cendres dans le fleuve afin que je puisse échapper à Allah et les choses comme ça. Ces gens-là ne sortent pas de l'islam tant que la preuve du messager ne leur est pas présentée, comme l'a dit Allah, afin que les gens n'aient plus aucun argument devant Allah après l'envoi des messagers. Et Allah a pardonné à cette communauté l'erreur et l'oubli. Règle. L'ignorance est une excuse pour celui qui est incapable de faire cesser cette ignorance, car incapable d'accéder à la preuve nécessaire pour connaître le sujet qu'il ignore. Par contre, s'il est capable d'y accéder, mais ne s'y intéresse pas, il n'est pas excusé. La preuve de cette règle est la parole d'Allah. Et ceux qui ont mécru se dédaignent de ce qui leur a été averti. Et il dit, « Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. » Ibn Qudama al-Maqdisi dit, il n'y a pas de divergence entre les savants quant à la mécréance de celui qui abandonne la prière en reniant son obligation. Si une personne comme lui ne peut ignorer qu'elle est obligatoire, par contre, si une personne telle que lui n'en connaît pas l'obligation, comme celui qui vient de se convertir à l'islam, ou qui ne grandit pas dans une terre d'islam, ou dans un désert loin des contrées où se trouvent les savants, il ne sera pas jugé mécréant. Il faudra d'abord lui faire connaître l'obligation de la prière et lui confirmer les preuves de son obligation. Si après cela, il en renie toujours l'obligation, il devient mécréant. Mais si celui qui en renie l'obligation est quelqu'un qui grandit dans une contrée où se trouvent les savants, il devient mécréant dès qu'il la renie. Et il en est de même pour tous les piliers de l'islam qui sont la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Car ce sont les piliers de l'islam et les preuves de leur caractère obligatoire n'échappent quasiment à personne, vu que le Coran et la Sunna sont répandus, ainsi que leurs preuves. Ceci fait objet de consensus. Le seul qui puisse renier son obligation est celui qui s'entête contre l'islam et refuse de s'engager à ses lois et d'accepter le livre d'Allah, la Sunna de son prophète et le consensus de sa communauté. Al-Qadi Iyad dit, de même si quelqu'un venait à renier l'existence de la Mecque, ou de la maison sacrée, ou de la mosquée sacrée, ou la description des rites du pèlerinage, ou bien qui dit que certes le pèlerinage est obligatoire d'après le Coran, tout comme le fait de se tourner vers la Qibla. Mais par contre, s'agit-il bien de cet endroit bien connu et de ce village qu'est la Mecque? Et la mosquée sacrée, je ne sais pas si c'est vraiment cette mosquée-là ou non. Peut-être que les rapporteurs qui ont affirmé que le prophète a interprété ces termes en disant « ces lieux-là se sont trompés et se sont fait des illusions ». Une telle personne, il n'y a pas la moindre hésitation à la juger mécréante si on suppose qu'elle connaît ces choses-là comme ceux qui vivent parmi les musulmans et qui les accompagnent depuis une certaine période, sauf celui qui vient de se convertir à l'islam. Celui-là, nous lui disons, tu dois procéder à l'interrogation des musulmans au sujet de ces choses que tu ne connais pas, et tu verras qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui diverge, de génération en génération jusqu'à l'époque du messager d'Allah, que ces choses sont comme on te l'a dit, et que ce village est bien la Mecque, et que la maison qui s'y trouve est bien la Kaaba, et qu'elle est la direction vers laquelle se tournait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que les musulmans vont faire leur pèlerinage, et autour de laquelle ils tournent, par vénération pour Allah, et que toutes ces pratiques sont les descriptions des rituels du pèlerinage, et que c'est bien ça qui est voulu par le pèlerinage. Et c'est ce qu'a pratiqué le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmans. Et que la description des cinq prières évoquées sont bien celles pratiquées par le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et dont il expliqua la volonté d'Allah, et exposa sa réglementation. Il faut que tu saches maintenant, comme cela l'ont su, et tu ne dois pas en douter. Et celui qui continue à rejeter ces faits après avoir cherché et avoir fréquenté les musulmans, c'est un mécréant à l'unanimité. Il n'est pas excusé par sa prétention. Je ne sais pas. Et on ne peut croire une telle prétention. Au contraire, il est évident qu'il essaie de cacher son démenti, vu qu'il est absolument impossible qu'il ne sache pas ça. Jusqu'à ce qu'ils disent. Et de même, celui qui rejette quoi que ce soit, qui fut noté dans le Coran après avoir su que cela vient du Coran, et que cela se trouve dans le Coran qui est entre les mains des gens, et des mushafs, des musulmans, et qu'il n'est pas ignorant ni nouveau dans l'islam, et qu'il prétexte pour justifier son rejet que ce rapport n'est pas authentique, ou qu'il n'a pas été informé de ça, ou qu'il considère possible que celui-là, que celui qui l'a rapporté, se soit fait une illusion. Nous jugeons une telle personne mécréante d'après le même procédé que celui qui précède. Parce qu'il dément le Coran et qu'il dément le prophète, alayhi salatu wa salam. Mais il essaie de dissimuler ce démenti par ses prétextes. Note. Ceci concerne les lois élémentaires que tout musulman est censé connaître. Par contre, en ce qui concerne les thèmes plus complexes qui nécessitent une étude approfondie et un bagage scientifique, l'étendue de l'excuse pour l'ignorance de ces choses-là est beaucoup plus vaste. Il sera nécessaire que l'individu comprenne les preuves, puis s'il les refuse après que la vérité lui soit apparue, alors il devient mécréant. Une question. Est-ce que l'ignorance empêche également celui qui adore un autre qu'Allah de sortir de l'islam? Réponse. Non. L'ignorance n'empêche pas de sortir de l'islam dans ce qui contredit l'unicité d'Allah ni la foi en la prophétie de Mohammed. L'ignorance de ces deux principes empêche au contraire d'entrer dans l'islam et non d'en sortir. Et certains prétendent qu'il est une hérésie de faire une différence entre l'ignorance du monothéisme et l'ignorance dans le reste des thèmes de la religion. Mais Cheikh Abdullah Abu Bataïn expliqua ce point. On prend en considération la compréhension de la preuve dans les sujets qui peuvent échapper à beaucoup de gens, qui ne viennent pas contredire l'unicité d'Allah ni la prophétie, comme par exemple le fait d'ignorer certains attributs d'Allah. Par contre, les sujets qui contredisent directement l'unicité d'Allah et la foi en la prophétie, Ibn Taymiyyah a clairement stipulé dans plus d'un passage que celui qui en est coupable est un mécréant et qu'il doit être exécuté s'il continue après qu'il ait était appelé à se rétracter, et il ne l'excusa pas sous prétexte de l'ignorance. Surtout que nous savons que la seule raison pour laquelle ces gens tombent dans la mécréance, c'est justement parce qu'ils ignorent le statut véritable de ce qu'ils commettent. Car s'ils savaient que c'était une mécréance qui expulse de l'islam, ils ne l'auraient jamais fait. Point à retenir. L'excuse par ignorance ne concerne que les musulmans monothéistes, et non ceux qui adorent d'autres qu'Allah ou ne croient pas en son unicité. Les enseignements élémentaires de l'islam ne peuvent être connus qu'après la transmission de la preuve. L'excuse d'ignorer les choses élémentaires cesse dès que la preuve est accessible à l'individu. Pour les sujets élémentaires, il n'est pas une condition que l'individu ait lu ou entendu la preuve. La preuve lui est établie dès qu'il lui est accessible et qu'il sait qu'elle lui est accessible. L'excuse d'ignorer les sujets complexes est plus vaste que pour les choses élémentaires. L'excuse d'ignorer les sujets complexes ne cesse qu'après que la preuve soit présentée, expliquée et comprise par l'individu.